Cézanne utilisait une palette reconnaissable pour ses aquarelles, préférant un petit nombre de ces bleus, verts, jaunes et violets. Parfois, ces préférences ne semblent pas évidentes, car l'aquarelle sur papier est très sensible à la lumière et les couleurs peuvent se faner avec le temps. Cependant, les aquarelles de Cézanne, exposées dans la collection Pearlman, sont toujours en excellente condition. Et de nombreux spécimens ont conservé les nuances originales de ces pigments délicats. Par exemple, le vert émeraude utilisé dans cette aquarelle est une couleur qui résiste peu à la lumière et qui peut se flétrir en une teinte brun clair terne. Ici, les touches de vert sont restées remarquablement vives et claires.